Si tu m'aimes, allez les enfants, prier, ouais. Gagne-moi le marron, la l'eau, allez les enfants. si wonga anana pensi mwe si wo ajapna menga to miel mwe Je vais me tabler. Non, jouer. Moi, tu m'aimes, mais t'as un petit bout de radio, mais tu là. Ma vue la dame, ma vue, ma chasse, on t'y pose case. Non, jouer. Bon, loin, mon don, qui monte, moi. Et puis, moi, je te conseille tout bonnement, ma descente. Ma descente. Et puis mes mains elles tombaient sous table à dire qui t'a petite là. Trouvez maman le tape gardé dans tout. Allez maman dit, regardez non, Jacqueline qui t'a joué là. Qui t'a joué là? Ouais ma qui joué là qui est danger. Joué là qui est danger. Bah pas d'avoir les quoi qui t'a joué là. Qui t'a joué là?